إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله نشكر الله تبارك وتعالى الذي خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وإليه المصير Nous remercions Allah le Très-Haut, celui qui nous a créés, qui nous a façonnés de façon parfaite. Et c'est vers lui que nous retournerons. وَجَعَلَنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ نَمُرُّ عَلَى طَبَقَاتِ Et certes, il a fait que durant cette vie, nous allons passer par plusieurs étapes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا Certes, vous allez passer par des étapes distinctes. Chaque étape se distingue de l'autre. فَرَّجُلُ خُلِقَ ضَعِيفًا Et donc l'individu a été créé faible. لَا يَعْلَمُ شَيْئًا Il ne connaît rien. فَعَلَّمَهُ رَبُّهُ كَيْفَ يَتَغَذَّى مِنْ ثَدِّ أُمِّهِ Alors son Seigneur l'a enseigné comment se nourrir de la poitrine de sa mère. ثُمَّ عَلَّمَهُ الْكَلَامَ وَالْمَشْيَ Puis, il lui a enseigné la parole et comment marcher, comment se déplacer. فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ زَادَهُ قُوَّةً Puis, Allah tabaraka wa ta'ala lui augmente sa force. Thumma ad-da'f. Puis, la faiblesse. Thumma yarji'u al-'abdu ila rabbihi. Et ensuite, le serviteur retourne vers son Seigneur. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma min ba'di da'fin quwwa. Allah est celui qui vous a créé faible. Et après la faiblesse, Il vous accorde de la force. ثُمَّ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Et ensuite, après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. فَشْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ Alors remercie Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى pour ce bienfait. تَمْشُونَ تَتَكَلَّمُونَ تَفْهَمُونَ Vous marchez. Vous parlez, vous comprenez. Allah Azza wa Jal vous a accordé cela aujourd'hui. فَشْكُرُ اللَّهَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ اِسْتَعْمِلُوا هَذِهِ الْقُوَّةِ فِي تَعَةِ اللَّهِ Utilisez ce bienfait qu'Allah vous a donné. Utilisez cette force qu'Allah vous a donné aujourd'hui dans l'obéissance à Allah. Dans l'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. أَقِيمُ الصَّلَاتِ قبل أن لا تقدروا عليها. Accomplissez la prière avant que vous soyez incapable de la faire. Allah تبارك وتعالى qui dit dans son livre يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah عز وجل dans ce verset il parle de يوم القيامة. ce jour terrible et difficile, il leur sera demandé de se prosterner et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, ils auront les regards baissés et l'avilissement les couvrira. Ils ne pourront pas se prosterner en ce jour, alors que ici-bas, avant, il leur était ordonné de se prosterner alors qu'ils étaient sains et saufs. Ils étaient en bonne santé, ils étaient sains et saufs, on leur demandait de se prosterner, ils ne le faisaient pas. Alors, Yawm al-Qiyama, Allah va les empêcher de se prosterner. Ils ne pourront pas obéir à cet ordre parce qu'ils ont délaissé cette prière. Faqad adraktum ibadallah annana sanatakallamu al-yawma 'an as-salat. Et donc vous comprenez, aux serviteurs d'Allah, que nous allons parler aujourd'hui de la prière. Wa a'rifu annani qad aktharatu 'alaykum fi hadha al-mawdu'. Et je sais pertinemment que j'ai beaucoup parlé de ce sujet avec vous. Lakinnahu muhim. Cependant, ce sujet est très important. Fa idha 'alimtum ahammiyat as-salat wa annahu la dina liman la yusalli. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ لِلْرِجَالِ فِي الْجَمَعَةِ. Si vous avez compris l'importance de la prière et qu'il n'y a pas de religion pour celui qui ne prie pas, alors sachez que Allah a rendu la prière obligatoire en groupe. La prière est obligatoire en groupe. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Si tu es avec eux, si tu es avec eux et que tu accomplis pour eux la prière, alors qu'il y ait un groupe parmi eux qui se lève pour accomplir la prière avec vous et qu'ils prennent leurs armes. هَذِهِ الصِّفَاتِ يَا إِخْوَى. Cette caractéristique, cette façon de prier, هِيَ فِي صَلَاتِ الْخَوْفِ. C'est la prière de la crainte. Fihal al-harb, en période de guerre. En période de guerre, al-jaballahu tabaraka wa ta'ala as-salata jama'atan ala al-muslimin fihal al-harb. Allah a rendu la prière obligatoire en groupe aux croyants, même en période de guerre. Famadha naqulu nahnu fi hali amn wa silm. Que devons-nous dire, nous, en période de sécurité et de paix? La prière est obligatoire à la mosquée. La prière est obligatoire en groupe. Nous ne devons pas la délaisser. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله يسأله أن يرخصه فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد يَسْأَلُهُ أَنْ يُرَخِّصَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ. Muslim a cité dans son recueil selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit qu'un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, je n'ai personne pour m'amener à la mosquée. » Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de pouvoir rester prier chez lui. فَرَخَّصَ لَهُ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prier chez lui. فلما ولى دعا وقال اتسمع النداء بالصلاة. Alors lorsque cet homme s'en est allé, le prophète il l'a rappelé. Le prophète l'a rappelé et lui a demandé: est-ce que tu entends l'appel à la prière? قال نعم. Il a dit: oui, j'entends l'appel à la prière. فقال اجب. Alors le prophète lui a dit: réponds. Réponds à l'appel à la prière. فَإِذَا كُنْتَ فِي مَكَانٍ يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءُ غَالِبًا عَلَيْكَ أَنْ تَحْضُرَ الصَّلَاةِ. Alors, si tu es dans un endroit dans lequel on entend l'évène en général, alors tu dois venir prier à la mosquée. Et j'ai bien dit en général. Pourquoi? Parce que ici, en France, même si tu es juste en face de la mosquée, tu ne vas pas entendre l'évène. Tu ne vas pas entendre l'Eden parce que nous sommes sortis de la normalité à cause du fait que l'Eden est interdit à l'extérieur. Mais si tu es dans un endroit où en général, dans une situation normale, où l'Eden est fait normalement, tu dois l'entendre, tu dois venir pour accomplir la prière à la mosquée. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى أَوْجَبَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Car Allah l'a imposé aux croyants. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إنكم مشغولون بأعمالكم وكلنا مشغولون بأعمالنا أو serviteur d'Allah. Vous êtes certes occupés par vos fonctions. Et nous sommes tous occupés par nos fonctions. Nous avons tous des occupations. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَشْتَغِلُوا فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ. Celui d'entre vous qui travaille dans un lieu qui est loin de la mosquée, alors il ne lui est pas obligatoire l'accomplissement de la prière en groupe à la mosquée. Walakin la yanbari lahu an yu'akhira as-salat kama ra'aynahu fi khutbatin qad madat. Cependant, il n'est pas convenable que celui-ci il retarde sa prière parce qu'il est au travail, comme nous l'avons vu dans une khutba précédente. Wa man kana minkum yaskunu fi makanin ba'idin min al-masjid فلا تجب عليه الصلاة جماعة ولكن لا ينبغي له أن يبقى في يومه لا يحضر الجماعة. De la même façon, celui d'entre vous qui habite loin de la mosquée, alors il ne lui est pas obligatoire d'accomplir la prière en groupe à la mosquée. Cependant, il n'est pas convenable que celui-ci passe toute sa journée sans assister à la prière à la mosquée. Pourquoi ? أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil authentique, selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en groupe est 27 fois meilleure que la prière seule. 27 fois meilleure que la prière seule. Fa ayyuna la yahtaj ila hadhihi ad-darajat wa ila hadhihi al-hasanat. Lequel d'entre nous n'a pas besoin de ces bonnes actions? Kulluna bihaja ilayha. Nous avons tous besoin de ces bonnes actions. De ces 27 degrés, nous en avons tous besoin. يوم يفرق بين من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. Le jour où celui dont sa balance est légère et celui dont sa balance est lourde seront séparés. Nous aurons besoin de ces hasanettes. Nous aurons besoin de ces quelques prières en groupe. فلا تتركوها. وأخيرا أقرأ عليكم كلاما لعبد الله بن مسعود من As-sahaba, min sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, je vais vous lire une belle parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comme dans le recueil de l'imam muslim, Abdullah ibn Mas'ud dit, Man sarrahu an yalqa Allah radan musliman fal yuhafidh ala ha'ulai salawat haythu yunada bihin. Celui qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, alors qu'il préserve ses prières là où l'appel est fait, c'est-à-dire dans les mosquées. Puis il continue en disant « فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. » Et ensuite il continue en disant « Certes, Allah a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée. » Et certes, celles-ci, c'est-à-dire les prières à la mosquée, celles-ci font partie des voies de la guidée. Puis, il continue en disant « Walau annakum sallaytum fi buyutikum, kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baytihi, litaraktum sunnata nabiyikum, walau taraktum sunnata nabiyikum, lidolaltum. » Ensuite, il dit « Et certes, Si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui délaisse la prière en groupe quand il prie chez lui, vous allez délaisser la sunna de votre prophète. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, alors vous allez vous égarer. Puis il continue encore en disant: wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasana wa yarfa'u biha daraja. Et il n'y a aucun d'entre vous qui se purifie de façon correcte, puis se dirige vers une de ces mosquées sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala écrive à chaque pas qu'il accomplisse une récompense et qu'il l'élève en degré pour chaque pas qu'il accomplit à la mosquée, en direction de la mosquée. Et ensuite, il continue. Il continue, Abdullah ibn Mas'ud. Il dit: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Il finit en disant, Abdullah ibn Mas'ud: certes, nous, les compagnons du prophète sallam, les musulmans, nous voyons que aucun ne la délaissait, la prière en groupe. Aucun ne la délaissait, sauf un hypocrite dont son hypocrisie, elle était connue. Sauf un hypocrite dont son hypocrisie, elle était connue. Certes, il était venu avec un homme qui était porté entre deux hommes afin de le mettre dans les rangs. Il est malade, il n'arrive pas à se déplacer. Deux personnes qui le portent pour aller à la mosquée parce qu'il veut assister à la jama'a. Et c'est comme ça qu'ils étaient, ces hommes. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils accordaient de l'importance à cette prière en groupe. Je vous ai cité précédemment certaines des caractéristiques des hypocrites, afin que nous puissions nous éloigner des caractéristiques des hypocrites. Et voici ici une autre des caractéristiques des hypocrites, le fait de délaisser la prière en groupe. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus salat.